légende sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1969, troisième émission. 1969 voit la naissance ou la renaissance des best-sellers, du vécu. En voici un, l'auteur, le héros du livre, un ancien bagnard, Papillon, qui dit phénomène éditorial, dit aussi phénomène de société. Quelle voix avait Henri Charrière, Papillon ? Nous allons entendre un entretien qu'il avait accordé à France Culture, entretien qui sera suivi des interrogations, des étonnements de deux producteurs d'une émission de notre chaîne. En quelques jours, Henri Charrière, dit Papillon, est devenu un homme célèbre. Qui est Henri Charrière ? Un homme arrêté pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Condamné au bagne à vie, grâce à de faux témoignages, il refuse cette peine aussi injuste que démesurée. Et cette grande aventure commence. Et Henri Charrière a publié chez Robert Laffont un livre qui connaît un très grand succès et qui est intitulé « Papillon ». Henri Charrière, qui êtes-vous ? Je suis un homme qui, mon enfance, je suis né dans l'Ardèche d'ailleurs, mon enfance a toujours été entourée de bonté, de droiture. Je crois que j'ai digéré en même temps que je t'étais l'instruction civique, parce que mon père et ma mère étaient instituteurs. Je n'avais donc pas de raison à être un jour un truand. Je suis innocent, effectivement, du meurtre pour lequel on m'a condamné. Mais de toute façon, j'appartenais quand même au milieu, ce qui a permis à la police, quand elle a eu besoin d'un coupable, de me présenter et d'être accepté aussi facilement par les 12 fromages que j'appelle les jurés aux assises. Et quel est le drame que vous avez vécu ? Le drame que j'ai vécu, ce n'est pas d'avoir été condamné innocent. Le drame que j'ai vécu, c'est l'ignominie du système pénitentiaire français. Quel que soit le crime qu'un homme commet, je ne crois pas que rien justifie cette façon d'éliminer les gens à coups d'épingle, cette forme de guillotine sèche, ce puits où il y a un liquide dissolvant pour faire disparaître les hommes qui gênent la société, cette forme de se défendre d'une façon tant bestiale, tant médiévale, qu'on arrive à se demander, et je crois que la conclusion serait contraire à tout ce qu'on attend, quels sont les plus coupables ? Les truands ou ceux qui appliquent ce système ? On voulait vous condamner pour le meurtre de qui ? D'un souteneur. Un souteneur qui était en même temps un informateur de la police, qui a été tué dans la nuit du 25 au 26 mars 1930 par un inconnu. Mais quand il est à l'hôpital de la Riboisière, il déclare « Celui qui m'a tué, c'est Papillon Roger. » Or, moi, mon prénom, c'est Henri Antonin. Ou on m'appelait Henri La Voiture, parce que j'avais une B14 à ce moment-là, une B14 Citroën. Ou on m'appelait Papillon tout court. Ou on m'appelait Papillon le pouce coupé. Mais on ne pouvait pas m'appeler Papillon Roger, parce que je m'appelle Henri Antonin. Et Papillon, pourquoi Papillon ? On m'appelait Papillon parce que, étant jeune, on ne me trouvait jamais à l'endroit où on me cherchait. Si on me cherchait à Montmartre, j'étais à Montparnasse. Si on me cherchait à Montparnasse, j'étais aux Champs-Élysées. Si on me cherchait aux Champs-Élysées, j'étais ailleurs. Et en raison de cette multitude d'endroits différents où je vivais dans la nuit, surtout, on disait, tu es comme les papillons. Quand on te cherche, on ne te rencontre pas. C'est en 1931 que vous êtes passé devant les assises. Et quel souvenir, là, tout de suite, quel souvenir conservez-vous de ce moment où vous étiez dans cette salle et où vous étiez jugé ? Le souvenir est certainement douloureux, puisque ça va coûter toute une vie, mais le souvenir, c'est surtout une espèce de dégoût. Un dégoût que mon peuple, enfin, parce que je suis français, toute la race mienne est française, et quand je pense qu'un peuple comme les Français, qui sont la matrice qui a accouché des droits de l'homme et du citoyen, un système de justice comme il était à ce moment-là, et d'ailleurs il n'a pas beaucoup changé, j'en ai une espèce de dégoût, voyez-vous. Ne croyez pas de la haine est partie. Un mépris, quelque chose que j'aurais envie de cracher dessus. peut-être. Et c'est pas sûr que je cracherai dessus, parce que peut-être j'aurais peur de salir mon crachat. Voilà l'impression que me donnent les assises. Et justement, maintenant, je voulais vous poser la question suivante, Henri Charrière. Pour vous, aujourd'hui, la justice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Il est très dangereux, le système des procès oraux. Il est très dangereux parce que les jurés ne sont pas ni des intellectuels, ni des médecins, ni des avocats, ni des gens qui appartiennent à des situations libérales, mais la plupart du temps, des gens médiocres. Comment voulez-vous que des gens médiocres, qui eux-mêmes ont une vie médiocre, qui eux-mêmes ont des aspirations médiocres, par exemple l'ancien gendarme, quand vous pensez qu'un gendarme, l'idéal d'un gendarme est la retraite. Son idéal, c'est de devenir vieux. Mais vous vous rendez compte, un homme qui a peur de la vie, qui a demandé à un système de penser pour lui, de rêver pour lui, de prendre les dispositions qu'il fallait pour que sa famille mange tous les jours et les enfants puissent aller à l'école. Je n'en veux pas aux gendarmes. Je n'en veux pas aux gardes des eaux et forêts. Je n'en veux pas aux douaniers, mais je leur refuse. Et cela, si les Français étaient responsables vraiment de leur justice qui les représente, je leur refuse le droit de juger quelqu'un parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Au point qu'ils ont abandonné les responsabilités de la vie même. Et c'est pour cela que quand on me demande pourquoi, qu'est-ce que vous pensez de notre système juridique, je n'ai pas la prétention, moi, un pauvre bagnard évadé, d'être la grande voix qui va faire cette réforme. Mais au moins, quand même, j'ai payé avec ma peau, j'ai payé avec mon sang, j'ai payé avec toute la plus belle partie de ma vie, suffisamment pour pouvoir dire « Écoutez, Français, cherchez notre système. » Vous avez été condamné à vie. J'aurais vous demandé ce que le bagne a représenté pour vous. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bagne, c'est le chemin de la pourriture. Le bagne, c'est le dépotoir de tout ce qui gêne au système de la tranquillité publique. Les sociétés, obligatoirement, ont le devoir, non seulement le droit, mais le devoir de se défendre. Moi, je ouvrais une ou deux coffres-forts, ou trois coffres-forts par an. J'étais donc pas aussi innocent devant la justice, même qu'on ne m'ait jamais condamné pour ça. Et justement, vous voyez ma franchise, et je vous demande de la retenir, c'est que moi, je n'ai pas de condamnation. Moi, j'ai été condamné à 4 mois avec sursis dans ma vie, et perpétuité. Si je dis que j'étais ouvreur de coffre-fort, c'est parce que j'ouvrais les coffres-forts. C'est presque aussi grave que d'avoir dessoudé ce petit barbeau. Mais le barbeau, le souteneur qui est tué, c'est pas moi, d'abord. Deuxièmement, il serait horrible si c'était des hommes responsables, si les 12 fromages qui m'ont jugé étaient des hommes responsables, que pour un meurtre du milieu, même étant coupable, on m'est condamné au travail forcé à perpétuité. Encore bien plus, étant innocent. Est-ce que vous avez conservé des contacts avec les anciens bagnards? Sûrement. Pas en France, bien entendu. Mais au Venezuela, il y a à peu près 300-350 forçats évadés. Tout se comporte bien. Il y a même une chose curieuse. C'est qu'aucun d'eux, en 26 ans, est allé en prison pour un délit. Ce qui prouve qu'un homme n'est jamais perdu. Ce qui prouve que si on lui fait confiance, et si tout au moins on le met dans un cas où il peut travailler, où il peut vivre sans pression, sans vilainie, sans qu'on lui jette tous les jours à la figure, comme Alberti de Sarrazin, son carnet de tricarde, et d'autres. Elle en a des cousins, des petits cousins, Alberti de Sarrazin. Papillon au micro de Pierre Lost. L'émission Le Monde Contemporain réunissait chaque samedi matin sur France Culture deux producteurs, un gaulliste, Jean Debert, un communiste, Francis Crémieux, souvent en opposition, s'engueulant, souvent en direct. Mais à l'occasion de la parution d'une critique favorable des mémoires de Papillon dans la revue Études, signée d'un jésuite, le père Blanchet, les duettistes se montrent perplexes. Ils invitent le père Blanchet à leur micro. Et tout d'abord, sont-ce des mémoires ? Est-ce un récit véridique, une version romancée ? Extrait du Monde Contemporain du 20 décembre 1969. Je me dis que depuis mai 68, il y a des digues qui ont sauté. Il y a des choses qui n'auraient pas été possibles il y a 2 ans, il y a 3 ans, et qui ne seraient pas arrivées. Et il y a des choses que je ne sais pas si ce sont les conventions qui ont sauté ou si ce sont les lois de l'éthique. Ça, je n'en sais rien du tout, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais j'ai le sentiment qu'on se met à accepter comme des valeurs exemplaires des choses qui ne sont même pas à bouger avec le pied, simplement. Parce que, réussir des trucs, mais Francis Crémieux a raison, il y a dans les romans policiers américains ou français ou anglais des chefs-d'œuvre qui dépassent de 100 coudées l'invention et la structure de ça et à qui personne ne fait un sort. Oui, on ne fait un sort à ça, et c'est là où Crémieux a raison, on ne fait un sort à ça que parce qu'on y voit ce que vous dites, c'est-à-dire l'Odyssée, c'est-à-dire la vie vérité d'un homme qui a dépassé les forces humaines. Et puis, sur Francis Crémieux, c'était hier le mot de Guillaume, une bête ne l'aurait pas fait, ce que j'ai fait, une bête ne l'aurait pas fait. C'est ce sentiment du dépassement de l'homme en péril avec son destin dont le spectacle devient exemplaire. Mais alors, si c'est pas vrai, quel intérêt ça a-t-il? Si ça n'a pas de valeur littéraire, la valeur psychologique de ça, on permettrait au-dessous du médiocre. Alors là, n'est-ce pas, vous dites deux choses. Vous dites d'abord que c'est dégoûtant et que vous êtes dégoûté. Profondément dégoûté. Et c'est ça, au fond, qui vous gêne beaucoup. Par la vanité puante de ça. Je vous avoue que je suis un critique, n'est-ce pas, et que je ne suis pas d'abord dégoûté ou édifié, etc., parce que je lis. Je suis un critique, je suis un lecteur ou un liseur, n'est-ce pas. C'est ça, qui me prend, qui m'intéresse, et je suis complètement désintéressé. Quand je prends un livre, je ne me rappelle pas que je suis chargé de la morale dans le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en suis chargé d'une façon tellement directe, n'est-ce pas. Mais c'est pas ça du tout. Et je parle de n'importe quel livre d'une façon absolument désintéressée, enfin en critique littéraire, quoi. Oui. Eh bien, voyez-vous, je n'ai pas votre réaction de dégoût du tout. Parce que je me dis que voulez-vous. Alors, vous dites que vous êtes dégoûté, mais d'un autre côté, vous reconnaissez, je pense, que dans ce livre, il y a un héros qui part du bas fond moral. Mon Dieu, mais ça existe, ça, quoi. Nous sommes peut-être des gens protégés, nous. Mais enfin, ça existe. Tout ce qui existe est intéressant. C'est vrai, mais je ne les montre pas à mes enfants comme des modèles. Je ne me dis pas, voilà mes enfants, voilà mes enfants, voilà ce qu'il faut faire dans la vie vous rencontrez un curé ou une bonne sœur. Oui, mais vous êtes bien libre de ne pas montrer ça à vos enfants, en effet. Ça, c'est une autre question. Mais nous parlons littérature en ce moment. Oui, alors vous pensez que le socle est vraiment autobiographique. Ça vous est égal. Mais alors c'est là où nous recommençons à diverger. Alors si ce n'est plus une autobiographie, ça n'a plus de valeur exemplaire. Ou bien ça a une valeur exemplaire. Et alors on choisit comme héros de l'an 1969 un million de livres vendus, ce monsieur. Alors c'est exemplaire, ou bien c'est une fiction, et alors c'est comme on dit, c'est bien roulé. C'est aussi bien roulé qu'un bon film policier qui a du succès. Il faut, je pense, distinguer entre l'auteur réel du livre, n'est-ce pas, Charrière, et puis le livre lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est le livre. Il y a un héros dans ce livre, et c'est ce héros qui m'intéresse. Charrière en lui-même ne m'intéresse pas. Mais voilà le livre, il existe, n'est-ce pas ? C'est une masse, là, c'est un objet, et détaché de son auteur d'une certaine façon. Non, mais moi, ce qui me trouble, c'est cette espèce d'effervescence qui s'est tout d'un coup déroulée et qui me paraît liée au phénomène de mai 68. Si vous voulez, pour moi, c'est un phénomène qui est du même ordre. Je vous demande pardon si je vous choque, mais du même ordre que le fait que de voir des hommes et des femmes se déshabiller complètement sur la scène, qui n'auraient même pas été accepté par la préfecture de police il y a encore 3 ans, ça se déroule sous nos yeux devant une indifférence générale. Ça ne déplace même plus le public. On ne va même plus voir. Tellement c'est devenu ordinaire. En l'espace de 2 ans, tout d'un coup, il y a une espèce de dévalorisation qui est devenue Bon, accepté, normal, on dit bon, après tout, pourquoi pas, c'est très bien. Car si vous lisez les romans de James Hedley Chase, vous avez aussi des drôles de personnages là-dedans, hein, ils sont entièrement inventés, vous avez, un certain homme, il en a écrit beaucoup, mais je vous assure qu'il y en a qui sont drôlement bien fabriqués, hein, et qui ne font pas 800 000 exemplaires avec des académiciens qui sonnent les cloches, etc., et la grand-messe, et tout. Je ne suis pas responsable des académiciens. Non, mais le phénomène nous intéresse, si vous voulez, c'est aussi aux psychologues et aux critiques, non pas aux critiques du livre, que nous posons la question, mais aux critiques en général, savoir s'il a une réponse à cette interrogation qui dépasse le cadre du livre, de savoir comment ces choses-là arrivent. Non, là, quand vous dites que, actuellement, il y a une démoralisation générale, publique, affichée, etc., alors là, je vous suis pas, parce que moi, c'est pas du tout mon affaire. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça n'entre pas dans mes vues, n'est-ce pas? C'est une affaire sociologique. Et oui, c'est un point de vue qui est intéressant, je reconnais, mais je n'ai absolument pas envisagé. Vous n'avez pas d'idée sur la question. J'ai une autre question à vous poser qui nous fera sortir de papier. Ce ne sont même pas des questions, on discute entre nous. Moi, je me demande, mon père, depuis combien de temps vous faites de la critique littéraire, et je vous pose la question suivante. Quand vous allez dans une librairie et que vous regardez la vitrine, est-ce que vous n'êtes pas frappé de la diminution du nombre d'œuvres de fiction et de l'augmentation du nombre d'ouvrages historico-sociologico-politico-psychologico, tout ce que vous voulez, qui occupe le rayonnat. J'ai fait expérience hier à Orly. Sur 25 livres montrés, j'ai trouvé 4 œuvres de fiction. Des tas de livres sur Israël, des tas de livres sur la gestion de l'entreprise, femme et le management. Alors je me demande si vous n'avez pas été reçu comme une bouffée d'air frais, parce que la production romanesque devient de plus en plus mince, et qu'on est en train de virer de la vraie fiction, enfin de la fiction, à la demi-fiction, à la demi-autobiographie, finalement une peau de chagrin. Ah non, ça c'est très vrai. Est-ce qu'il y a 20 ans, Papillon aurait fait ce qu'il fait maintenant? Enfin, je veux dire, la sortie du livre aurait eu cette importance. Non, vous mais comprenez c'est extrêmement juste, je crois. Ça. Il y a une crise de roman qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez grave. Et par contre, il y a ceci, n'est-ce pas? C'est qu'on s'intéresse beaucoup plus au vécu, n'est-ce pas? Ou au simili-vécu. Mais par exemple, vous vous rappelez le livre de Truman Capote sur. Sur des assassins. Oui. Et il prétend, lui, qu'il a transcrit tel quel tout ça. Et c'est ça qui intéresse, n'est-ce pas ? Beaucoup plus que des œuvres qui se présentent comme totalement fictives. On voudrait que ce soit du vécu. Voilà. Et même que ce soit une espèce de procès verbal. C'est ça, je crois, la petite mutation. Nous, on essaye de voir ce qui change ici, enfin, en tout cas, ce qui change dans la clientèle de la librairie. Est-ce que ce n'est pas justement une preuve qu'il y a un changement, que ce succès fait non seulement à Paris, mais à des tas d'autres livres? Si, par exemple, vous n'êtes pas frappé par le fait que depuis mai 68, par exemple, le nouveau roman a complètement disparu? Moi, je n'attache pas la même importance que vous à mai 68. Mais ce n'est pas mai 68, mais je le constate, et on n'en parle plus. Ces messieurs dames qui, à défaut de lecteurs nombreux, avaient au moins beaucoup de supporters dans la presse et qui faisaient énormément parler d'eux et de leurs livres et qui se répandaient dans le monde comme les turiféraires de la littérature nouvelle. Non, mais je ne porte pas de jugement de valeur. Ils écrivaient aussi. Oui, mais tout d'un coup, il semble qu'il soit passé le même phénomène dans un autre ordre. C'est fini. Francis Crémieux et Jean de Bert recevaient le père Blanchet dans Le Monde Contemporain le 20 décembre 1969 pour parler de Papillon. Que se passe-t-il de véritablement novateur à la télévision en cette même année 1969? Un jeu. On se souvient de sa parodie, mais l'original a bel et bien existé et rassemblé les foules. Soyez prévenus, à la fin de cet extrait retrouvé dans les archives télévisuelles de l'INA, vous n'aurez pas la réponse intégrale à la question. Nous ne vous prenons pas en traître. Vous n'avez pas l'image, peu importe, puisque l'objet tant désiré restera mystérieux. Eh bien, notre Schmilblick a dû et a pu prendre un long week-end. C'est quand même assez surprenant. Mais avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter à tous bonne semaine. Bonne semaine à la France, bonne semaine à tous nos amis du Schmilblick et surtout à nos amis de Marseille qui ce soir vont tenter, en ce début de semaine, de faire tomber ce Schmilblick que vous venez de voir au début de cette émission et qui, contre toute attente, a résisté vendredi dernier. Ah ah. Ce soir, Marseille donc monte à l'assaut. Et Marseille en général, hein, faut se méfier. Alors tout de suite, nous allons voir Jacqueline Diveres si tout est bien à Marseille pour lancer ce suprême assaut. Bonsoir Guy Lux, bonsoir la France. Eh bien, Marseille-Provence est très heureux de participer une nouvelle fois au Schmilblick. Et Guy Lux, je me dois de vous signaler la passion des Marseillais pour ce jeu, car de nombreuses personnes ont dormi toute la nuit dans leur voiture afin d'être les premiers ce matin à prendre leur billet à leur maison de la radio. Alors je ne voudrais pas faire durer plus longtemps ce cruel suspense, et je vous cède tout de suite la parole. C'est incroyable ce que vous êtes en train de dire là, c'est incroyable. Absolument, c'est vrai. Non, c'était pas dans ce sens-là que je disais ça, c'est incroyable, parce qu'il est vrai en effet que ce Schmilblick suscite beaucoup de passion, et d'ailleurs nous tenons tout de suite à remercier tous nos amis pour les nombreuses lettres qu'ils nous envoient. Ainsi donc, le voilà. Va-t-il donc tomber ce Schmilblick? Bien, bonne chance à nos amis de Marseille, qu'ils aient couché dans leur lit ou dans leur voiture. Regardez bien cette image une dernière fois. On la remonte une dernière fois. Je donne le coup d'envoi pour 12 minutes environ. 12 minutes qui nous promettent ce soir beaucoup d'émotions à Marseille, en vous rappelant que ce Schmilblick vaut 600 000 anciens francs, 6 000 francs. À vous, Jacqueline. Eh bien, à la première candidate. Bonsoir Guy Lux. Bonsoir chère madame. Est-ce que dans le Schmilblick se trouve le mot tressé? Oui madame. Oui. Alors. Attendez. Je crois que c'est une question qui a déjà été posée. Mais si elle n'a pas été posée, de toute façon elle est toujours pertinente. Et dans ce cas, eh bien nous allons immédiatement mettre 100 francs de plus dans le Schmilblick qui vaut 6100 francs. Attendez, j'étais un petit peu perdu parce que je n'étais pas là vendredi dernier. Il y a eu une petite erreur. Ça fait rien, madame. Ne perdez pas votre temps. Posez votre question. Alors, partie de tuyaux flexibles, tressés, bicolores, de pipe viennoise, dite de brasserie. Mon Dieu, répétez-moi ça parce que vous l'avez tellement bien dit. Dit tellement vite que maintenant, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Partie de tuyaux flexibles, tressés, bicolores, de pipe viennoise, dite de brasserie. Ah, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Vous avez pratiquement dit tous les mots contenus, ces mots simples, auxquels nous faisons allusion sans arrêt, contenus dans la définition du Schmilblick qui se trouve dans cette enveloppe. Moins un. Et je dirais d'ailleurs, pour vous rassurer, que vous en avez même ajouté qui n'existe pas. Seulement, malheureusement, je ne peux pas prendre ceux qui sont en trop pour remplacer celui qui est en moins. Alors, madame... Est-ce que vous avez la possibilité, vous êtes tellement près de la bonne définition, de réfléchir, de rectifier le tir, si j'ose dire, et de donner éventuellement le mot qui n'est pas présent dans votre définition? C'est la dernière chance que je vous donne pour 6100 francs, c'est-à-dire 610 000 anciens francs. Alors, une partie de tuyaux flexibles, tressés, bicolores, de pipe alsacienne, dite de brasserie. Eh bien, l'objection que je vous ai il y a quelques instants est toujours aussi valable. Ce qui revient à dire que tous les mots sont contenus, n'est-ce pas, Jean-Marc, sauf un. Et malheureusement, alors là, je suis strict. Jacques Solness l'a été, je dois l'être aussi. C'est ça qui compte et rien d'autre. Désolé, madame. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Toi, viens avec moi. Je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, oh mais viens près de moi. Je ne connais rien de toi, ni ton nom, ni l'âge que tu as. Et pourtant, tu ne regretteras pas, car je donne tout, tout pour ma chérie, ma chérie. Tout, tout pour ma chérie, ma chérie. Tout, tout pour ma chérie, ma chérie. Tout, tout pour ma chérie, ma chérie. Je suis sur un piédestal de cristal, et j'ai peur un jour de tomber sans avoir personne à mes côtés. Mais si tu viens avec moi, viens avec je moi. Sais qu'il y aura quelqu'un qui marchera près de moi, qui m'aidera. Ce n'est pas le tout d'aller sur la Lune, d'y marcher, d'y prononcer des paroles historiques et d'en revenir. Les autres, les terriens, doivent ensuite commenter l'exploit. Nous allons terminer ce troisième rendez-vous consacré à l'année 1969 par une émission qui, elle-même, fut diffusée en toute fin d'année 1969. Le soir de la Saint-Sylvestre 1969, Roger Vrigny demandait à ses invités de revenir, brièvement, sur l'année écoulée, l'année en question. Il fut question, bien sûr, de la Lune et de tas d'autres sujets moins universels, plus personnels. 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'année en question. De quoi s'agit-il ? De nous poser des questions sur l'année 69. Vous me direz, il est bien temps. Dans quelques 3 heures, elle aura disparu. On ne s'interroge pas sur une moribonde. Au contraire, c'est le moment ou jamais. Vous savez bien comment on vit d'habitude. On va, on vient, on court, on travaille, on mange, on dort. On n'a jamais le temps de réfléchir. Et puis tout d'un coup, on s'arrête. On ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais au fait, que s'est-il passé ? Eh bien, je crois que pour une année, c'est la même chose. Elle court tellement vite qu'on la rattrape seulement au moment où elle va disparaître. C'est le moment ce soir, on la tient, on ne va pas la laisser partir sans lui arracher un dernier mot, une question, une réponse, un secret, qui le sait. Vous pensez bien que pour ce genre de conversation, converser avec toute une année, il faut du monde, du répondant, comme on dit, et du monde de bonne compagnie et de bonne qualité, des amis en un mot. Des amis d'un genre particulier, c'est-à-dire des personnes dont le caractère, la vocation, les activités conduisent tout naturellement à se poser des questions. Bref, des personnes qui n'acceptent pas le monde comme il va et l'année comme elle passe. Des artistes, des poètes, des romanciers, des comédiens, des historiens, des moralistes, tous avec leur tempérament et leurs humeurs, leur bonne humeur naturellement, vont venir ce soir avec nous, nous proposer leurs questions et leurs réponses. Leur nom, je vous les dirai tout à l'heure. Leur voix, vous les reconnaîtrez facilement. Et puis, il faut le plaisir de la surprise. Pour certains, il faudra aller chez eux parce qu'ils sont loin ou parce qu'il fait froid. Mais bien ou mal, chaude ou froide, l'année se termine et les questions sont toujours là. Avant que nos invités arrivent, j'aimerais bien tout de même poser quelques questions indiscrètes aux écrivains qui vont participer directement et assez longuement à notre soirée et qui nous serviront en quelque sorte, le mot ne vous choquera pas, j'espère, de compères. Et notamment, je vais commencer par les deux premiers compères, par Robert Sabatier et par Jean-Louis Bory. Car tout de même, nous allons poser un certain nombre de questions à toutes ces personnalités, mais vous-même, vous avez dû vous poser des questions au cours de l'année 69. Ah. Alors, Jean-Louis Bory, commençons par vous. Ben, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas cessé de me poser des questions parce que c'est plutôt dans mon tempérament d'être auto-questionnaire. Ben, la première question, la question la plus importante, si je regarde l'année 69, c'est celle-ci. Est-ce que je vais pouvoir continuer à regarder la Lune sans rire? Par exemple, c'est ça. Pour moi, c'était la mort de la Lune. Cette espèce de carrière poussiéreuse qui ressemble à une pierre ponce m'a profondément désolé. Et de savoir que ça allait être maintenant une carrière, une espèce de colonie USA, c'est extrêmement désenchantant. Il y a Robert Sabatier qui veut intervenir tout de suite. Moi, j'ai l'opinion tout à fait contraire. Je crois absolument pas que la Lune soit une pierre ponce. Ce qu'il y a, c'est qu'on a envoyé sur la Lune des techniciens qui, eux, ont vu une pierre ponce. Mais la prochaine fois, quand on enverra des poètes, ils vont peut-être voir des choses merveilleuses que les autres n'ont pas su voir. René de Obaldia, moi j'irai dans la Lune. Moi j'irai dans la Lune, avec des petits pois, quelques mots de fortune et Blanquette, mon oie. Nous dormirons là-haut, un petit peu de guingois, au pays du grand froid, où l'on voit des bateaux retenus par le dos. Bateaux de brise-bise, dont les ailes sont prises dans de vastes banquises. Et des messieurs sans eau remontent des fauneaux. Blanquette sur mon cœur m'avertira de l'heure. Elle mange des petits pois tous les premiers du mois. Elle claque du bec tous les minuit moins sept. Oui, j'irai dans la Lune. J'y suis déjà allée. Une main dans la brume m'a donné la fessée. C'est la main de grand-mère, morte l'année dernière. La main de mon papa aime bien trop les draps. Oui, j'irai dans la Lune. Je vais recommencer. Cette fois, en cachette. En tenant mes souliers. Pas besoin de fusée, ni de toute une armée. Je monte sur Blanquette, hop, on est arrivé. Maurice Reims. Il y a une question qui m'angoissait, c'était de savoir s'il y avait des âmes sur la Lune. J'ai une réponse, ou en tout cas, près des endroits où on a la Lune, on ne l'a pas trouvé, ce qui m'a ou rassuré ou déçu. Louis Guillou. Quand j'ai vu le retour des astronautes et qu'on les coiffait comme pour le Tour de France, d'une petite casquette avec je ne sais quoi, enfin, un truc de club, et qu'il sortait souriant, bonne santé, ravi, etc. À ce moment-là, je me suis dit, ben, il ne s'est rien passé. Ils annulent eux-mêmes leur truc, n'est-ce pas? Dès lors qu'on peut assimiler une prouesse, enfin, on peut considérer la chose comme une prouesse gigantesque, c'est évident, et que tout d'un coup, au retour, ça s'annule dans la fiesta, dans... Salut les gars, vous avez, you did a good job, c'est parfait, etc. C'est foutu. René de Obaldia. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu, Louis Guillou? Ah, je ne sais pas. Oui, ça c'est autre chose. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le ravalement des choses à la dimension de la médiocrité. Ce que veut dire Louis Guillou, il me semble, c'est que le phénomène en lui-même pouvait nous apparaître comme extraterrestre au sens propre du mot, extraordinaire. Et presque, mais alors dans le bon sens du terme, si vous voulez, monstrueux, je veux dire antinaturel, n'est-ce pas, parce que l'homme est sur la Terre. C'est il n'y était plus. Et quand il est revenu, c'était toujours un homme, et en plus, son exploit, il l'a mis dans sa vie d'homme. C'est ça que vous voulez voilà, dire, n'est-ce pas? Exactement ça, et ça, c'est devenu à ce moment-là, pour moi, une chose tout à fait banale. Oui. Mais Bernard Pivot. Ça prouve aussi qu'il était tout simplement, tout banalement, redescendu sur la Terre et qu'il était redevenu un homme parmi les autres. Et qu'il était redevenu un homme parmi les hommes alors que pendant quelques heures, il a eu l'illusion d'être quelqu'un d'autre. Et c'est nous peut-être qui avons eu l'illusion. C'est très triste ça, mais enfin oui, c'est vrai du reste, n'est-ce pas? Il n'était pas redevenu ce qu'il avait été. Il est resté, même dans la Lune, il est resté le champion. On ne se transporte que soi-même, de toute façon. Voilà. Cette expédition lunaire me fait penser à une phrase que je trouve merveilleuse de Braque qui disait « Le malheur de l'homme contemporain vient de ce qu'ayant inventé l'avion, il croit voler. » Oui, ça c'est très intéressant et c'est très juste. Mais dans l'affaire de la Lune, dans cette affaire extraordinaire, la réponse d'un cosmonaute à qui lui demande « Alors, vous avez fait cette chose extraordinaire et est-ce que vous pensez que cette... prodigieuse science qui a permis un exploit pareil va nous permettre d'un autre côté de régler nos problèmes à la dimension terrestre. À quoi il répond « I am a cosmonaute ». Autrement dit, ça ne me regarde pas. Robert Sabatier. Ça a été loupé littérairement. Scientifiquement, humainement, c'était très bien. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Au moins, là, on avait affaire à des sportifs. Jamais un pauvre petit poète n'aurait tenu le coup, etc. Mais quand j'ai lu l'expédition de la Lune, j'ai dit, bah zut, aller dans la Lune pour sortir de telles banalités au retour, on ferait beaucoup mieux sans y aller. Je vous trouve injuste. Il y a eu une phrase extraordinaire par l'un des cosmonautes. Lorsqu'ils approchaient de la Lune, les techniciens de Houston leur demandaient « Où en êtes-vous, les gars ?» car ils n'avaient plus donné de leurs nouvelles depuis un quart d'heure. Et la réponse a été « Nous en sommes, page 36, alinéa 3. » Parce qu'ils avaient un mode d'emploi et simplement, c'était leur seule réponse. Mais c'est admirable. Mais c'est admirable. C'est admirable, mais littérairement, ça a été loupé. Albert Cohen est en communication avec nous et très gentiment, il est à l'autre bout du fil, chez lui, en Suisse, pour répondre à quelques-unes de nos questions. Albert Cohen, quelles questions vous êtes-vous posées en 1969 ? Eh bien, je peux vous dire que je me suis posé constamment cette question. Vais-je pouvoir me remettre au travail ? Vais-je pouvoir me remettre à mon prochain livre ? Cette question, je me la suis posée parce que les conséquences du succès de mon roman « Belle du Seigneur » auquel je ne m'attendais certes pas, m'ont accaparé à tel point que la plupart de mes journées ont été et continuent à être effilochées, consacrées à toutes sortes de besognes, certaines agréables, certaines moins agréables. Ce qui fait que depuis le début de l'année, je n'ai pas eu devant moi une tranche de temps claire, nette, intacte et suffisamment longue pour me remettre vraiment au travail. J'ai besoin de me plonger entièrement dans mon travail, de ne penser qu'à mon travail, dans une gestation longue, qui me permet de croire à la réalité et à l'importance du livre à écrire. Au cours de votre vie, Albert Cohen, vous avez eu tout de même à exercer des responsabilités dans l'ordre social. Oui. Vous êtes un fonctionnaire international. Oui. Est-ce que vous avez réussi justement dans cette carrière à vous réserver cette marge de temps absolument indispensable pour vous pour vous consacrer entièrement à votre œuvre, qu'il s'agisse de Belle du Seigneur, aussi bien que des Valeureux ou de Solal ou de Manche-Clou? Pour Solal, oui, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas un poste de grande responsabilité. Tous les autres livres, je les ai écrits lorsque je n'avais pas autre chose à faire. Je suis monothéiste, même en littérature. Raymond Devos, Jean-Claude Renard. Ce qui est amusant avec nos deux invités maintenant, c'est que vous êtes presque deux frères siamois. Ah oui, car nous portons le même nom. Vous portez le même nom. C'est très simple. De Vos, c'est un nom flamand, ça veut dire le renard. De, c'est l'article. Vos, c'est le nom. Et vous, vous appelez le renard. C'est-à-dire en fait, renard. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fera, nous? Ben, on fera les corbeaux. Sabatier-Evrigny, là... Non, alors ne cherchons pas où est le fromage. Raymond Devos, on peut dire que vous vous posez des questions toute votre vie. Oui. Je les pose, mais pour les autres. Hein. Oui, mais je ne les pose pas tellement pour moi. Vous n'avez pas le temps. C'est pas ça, c'est que je crois qu'il y a longtemps que j'ai renoncé à répondre aux questions que je me pose. Tandis que celles que se posent les autres, elles m'intéressent. Probablement parce que ce sont les vôtres. Ce sont les mêmes, vous voulez dire. C'est ça, oui. C'est ce que je veux dire. Et sûrement que ça doit un petit peu se rejoindre, mais... Je dis quelquefois qu'il faut tout remettre en question, même les réponses. Bien sûr. Et si j'avais été Shakespeare, j'aurais mis « Être ou ne pas être exige une réponse ». Me poser des questions que le monde s'est posées depuis des milliers d'années, je vois pas à quoi ça sert. Vraiment, je vois pas. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, alors, si vous parlez plus de choses plus actuelles, là encore, ça m'est bien difficile de répondre parce que... Que se passe-t-il ? Bon, mais les événements sont presque les mêmes que ceux de l'année dernière, à mon grand regret. Jean-Claude Renard. Le point de vue de Raymond Devos se justifie tout à fait, mais je pense que dans la mesure justement où il cherche à détendre les gens en les amusant, il repose d'une certaine façon ces questions auxquelles il veut les soustraire. Parce qu'on n'est jamais distrait tout le temps. Vous accroissez, en quelque sorte, le fossé entre le moment où vous les avez distraits et le moment où, justement, n'étant plus distraits, ils retombent peut-être encore davantage dans leurs problèmes. C'est évidemment un point de vue. Je ne suis pas du tout d'accord. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. On sait très bien que la distraction, qui est une absurdité, est faite pour que les gens puissent échapper momentanément à une espèce de réalité difficile parfois à supporter. Oui, donc il faut la répéter constamment. Je ne dis pas que ça arrange quoi que ce soit. Je dis que ça soulage quelqu'un et qu'il peut repartir, disons, du bon pied. Il s'évade de C'est une espèce de thérapeutique, au fond. Je crois que vous avez dit le mot. Il faut se soigner. Il faut se soigner. Or, l'homme s'est réservé la possibilité de rire. Il a ça en lui, il a le sens du comique. C'est-à-dire, il peut, à certains moments, se mettre à rire. Parfait. À ce phénomène physique extraordinaire qui est le rire. Eh bien, il s'est tout de même préservé ça dans son évolution. C'est extrêmement important. Il digère, il boit, il respire, il sent, et on y rit. Et il rit. C'est le propre de l'homme, pour dire une banalité. Donc, c'est essentiel à l'homme. Alors, vous me dites peut-être que ça... Bon, le lendemain, il reprend ses soucis. D'accord, ben le lendemain, il faudra lui donner la possibilité de rire. C'est ça. Marcel Jouhandeau est arrivé. Mais je crois que Bernard Pivot a une petite question à lui poser dans le domaine de la publication littéraire cette année. Vous savez qu'il y a une rencontre extraordinaire. Mauriac a publié un roman qui s'appelle Un adolescent d'autrefois. Monterland, quelques jours après, un livre qui s'appelle Les garçons. L'action se situe la même année, en 1913. Il y a vraiment des coïncidences, des ressemblances entre les deux livres. Oui. D'après vous, vous qui êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'univers, bien plus que les écotiers professionnels qui sont payés pour ça. Eh bien, dites-moi, quel est celui qui a copié sur l'autre? Mais non, c'est parce que nous nous ressemblons tous. Mais les garçons de Monterland ne sont pas ceux de Mauriac. Mais moi, je ne réussis pas à faire comme eux. Moi, je suis toujours scandaleux, ils sont toujours édifiants. Comment est-ce qu'ils font? Moi, je ne suis pas impie. Comment l'entendez-vous? En un mot ou en deux? En un mot. Impie. Comme tout le monde. Et... C'est bon. Et Mauriac est un homme profondément religieux, enfin, qui confesse la religion catholique à tout bout de champ. Mais moi, je suis né dans le catholicisme, si bien qu'aujourd'hui, je suis extrêmement malheureux parce que je sens que l'Église se dépiote un peu. Enfin, il y a quelque chose qui s'en va et ça me fait beaucoup de peine parce que les traditions, moi, j'y tenais. Ma sœur, qui est beaucoup plus chrétienne que moi et qui est une sainte, alors que je suis un sacré pan, eh bien, elle est assez contente de ce qui se passe. Marcel Jouhandeau, il y a toujours quelque chose qui m'a troublé à votre égard. Comme vous avez raison. Ça, j'aime répandre le trouble. Alors, vous me donnez satisfaction. C'est que, en vous entendant... Je me demande si le mot est juste. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Et en vous lisant, nous sommes constamment en contact avec ce qu'il y a de plus sacré dans l'homme et ce qui le détourne le plus du sacré. Bien. Et quand vous nous parlez, justement, de la présence en vous de cet ordre catholique... Est-ce que vous ne laissez pas de côté tout ce qu'il y a d'évangélique dans le catholicisme, notamment cette notion du détachement, du charnel? Alors, il me prend par les brassières. C'est une conversation bien sérieuse, peut-être pour une fin d'année. Ah non, non, pas du tout. Mais justement, c'est l'examen de conscience. Eh oui. Oui. Eh bien, je trouve que vous avez parfaitement raison de me dire ça, et que je ne peux faire que mon mea culpa, mais moi je suis imbriqué dans la chair, je n'en peux pas sortir. Mais j'ai écrit ce matin à ma sœur, justement, dont j'ai déjà parlé, et je lui disais qu'il était très pénible pour le sage que je suis devenu de voir constamment publier le souvenir des orages qui ont secoué ma carcasse. Mais que je dois dire que dans ces orages... Mon âme ne s'est pas abîmée. Jean-Louis Bory, vous avez dû vous poser des questions au sujet du cinéma. Oui, constamment. Quand donnez-vous responsabilités, là aussi, dans ce domaine. Eh bien, ça c'est l'avenir qui me répondra. J'attends avec impatience que crève le terme est un peu faible, que crève un certain cinéma qui fait les beaux soirs des Champs-Élysées. Je ne suis pas du tout pétroleur par nature, par essence, mais il y a des moments où j'aimerais bien qu'on mette le feu aux Champs-Élysées. Quand je dis mettre le feu aux Champs-Élysées, je veux dire mettre le feu à certaines formes de salles, oui. Ce qu'on appelle le cinéma de boulevard, qui a parfaitement droit d'existence, je veux bien, mais qui ne prête pas toute la place. L'année 68-69 a été passionnante du point de vue cinématographique parce qu'on assiste à un phénomène sociologique qui me réconforte profondément. C'est la prolifération des petites salles du quartier latin de rive gauche. En ce moment, on s'aperçoit qu'il y a un déplacement du public, disons de la rive droite à la rive gauche, pour simplifier, des grands boulevards, au Boulmiche et à toutes les salles qui sont un peu dans les alentours du boulevard Saint-Michel. Asie, maintenant, c'est une espèce de cinémathèque permanente. Et je suis très heureux de voir, en cet hiver décembre 69, de voir les queues qu'il y a devant le film de Tarkovsky, Andrei Rublev, de voir les queues qu'il y a devant le Fellini Satyricon, de voir les queues qu'il y a aussi devant Easy Rider. Alors tout ça, ça me fait jubiler. Et je souhaite que ça dure longtemps. Robert Sabatier. J'ai eu qu'une grande joie cinématographique cette année, mais une très grande. C'était d'aller voir à la Cinémathèque Les Vampires de Feuillade, qui dure 7h30. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Louis Borry sur certains points. Qu'on brûle les Champs-Élysées, je veux bien. Mais c'est un peu gênant. Non, mais c'est un peu gênant parce qu'il y a des gens des Champs-Élysées qui, eux, auront envie de brûler le quartier latin et on n'en finira pas. Non, moi, il y a une chose que je déplore, et je vais vous paraître un peu paysan du Danube, c'est la mort du cinéma de quartier. J'habite un quartier où il y avait 4 cinémas, il n'y en a plus un seul. Quand le soir, je veux sortir de chez moi, il faut que je traverse Paris pour aller voir un mon film. Cher Robert, je fais des queues dans des salles encombrées, c'est extrêmement désagréable, on est serré, les fauteuils sont trop petits. Moi, j'adorais être le gars qui va au cinéma le samedi soir, dans son quartier. Mais si le cinéma de quartier est mort, c'est justement la faute de ce cinéma de boulevard et de ce cinéma, ce qu'on appelle le style cathédrale, qui essaie de drainer à son profit l'espèce de cérémonie sociale qu'était la soirée théâtrale. Oui, mais c'est pour lutter contre la télévision. Le cinéma de quartier est mort parce que la télévision le remplace, et d'une façon qui, à mon avis, peut-être est irréversible. C'est-à-dire qu'en effet, le cher petit Sabatier qui allait le samedi soir après son turban au cinéma, eh ben maintenant, il met les pantoufles, il regarde le film que lui offre la télévision. C'est ça le drame. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Louis Borry, que auprès de ce cinéma d'avant-garde indispensable à la progression de la culture du cinéma et autres, il n'est pas nécessaire d'avoir aussi un cinéma de distraction qui peut-être vole un tout petit peu plus bas, mais qui est fait pour un public qui a envie de se distraire. Mais mon cher Robert, ce cinéma-là est un cinéma de distraction. C'est que les gens qui vont voir ça n'aiment pas du tout s'ennuyer. Personnellement, oui. Fellini me distrait profondément. Bon, oui, mais on dit toujours personnellement, évidemment. C'est pour ça. Dans ce domaine, il est bien difficile de se mettre d'accord. Il faut tout de même être équitable et être plus objectif. Oui. Non, je crois. Mais je suis absolument pour que tous les cinémas vivent, c'est bien évident. Bien sûr. Et je suis absolument, pour prendre un exemple auquel je suis très attaché, pour que M. Audiard ait parfaitement le droit de faire tous les chefs-d'œuvre qu'il a dans la tête, qu'il a dans la caméra. Simplement, c'est que je ne voudrais pas que ce cinéma soit impérialiste et traite justement les autres de cinéma pour snob, de cinéma pour intellectuel, de oui, vice-versa. Je suis le plus bel exemplaire, etc., etc. Est-ce que vous ne croyez pas que si on considère la production internationale, notamment la production américaine, eh bien, on n'a pas des choses à apprendre sur le genre de film qui soit à la fois de divertissement et d'un divertissement de qualité? Si. Mais aussi les films anglais. En ce moment, l'exemple du grand cinéma de divertissement de qualité est peut-être donné par les Anglais. Absolument. Mais ce n'est pas du cinéma non plus commercial léger ou commercial dans le sens péjoratif du terme. Les énormes productions anglaises, c'est à la fois du cinéma de divertissement, parce qu'il y a danse, il y a musique, etc. Et c'est du cinéma qui va extrêmement loin, tant sur le plan de la technique cinématographique que sur le plan même des idées qui sont soulevées. Un exemple de film presque commercial, mais dans l'excellent sens du terme. Un film américain qui est divertissant et qui va très loin dans le divertissement, c'est Macadam Cowboy. Thank you. Salvador Dali nous reçoit aujourd'hui à l'hôtel Meurice parmi un grand concours de monde. Il y a des cinéastes, il y a des photographes, il y a des reporters. Ginesta, mademoiselle Ginesta, qui est habillée en moine. Oui, on tourne dans tous les coins. Les projecteurs éclairent des œuvres les plus diverses. Je vois un grand tableau de vous, Salvador non, Dali. Non, c'est pas moi, c'est un imminent peintre pompier qui a signé là-bas, mais moi, je viens de le signer. Justement. Parce que maintenant, aussitôt que je signe quelque chose, ça vaut beaucoup plus. Je fais monter les prix des choses que j'aime. Exactement. À votre gré. Et ainsi, vous rendez service à des peintres qu'on ne connaît peut-être plus. Que tout étant mort, continuent à travailler, eux, pour moi. Exactement. Enfin, vous travaillez aussi un peu pour eux. Ça c'est réciproque. Je voulais vous demander, Salvador Dali, puisque nous vous surprenons en pleine effervescence, en pleine activité, si cette fin d'année est satisfaisante pour vous. Enfin, à un tel point que très souvent, j'ai même peur de crever d'un excès de satisfaction. Mais voulez-vous expliquer cette satisfaction ? À tout ce que je désire s'accomplit, tous les moindres caprices de mon enfance réalisent. Et celui qui me comble, c'est que j'ai trouvé un château gothique qui est sublime dans la province de Girona, que j'ai fait cadeau à Madame Dali, et qu'il est en train de le redécorer d'une façon insolite. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que j'ai trouvé qu'au XIVe siècle, dans ce château, il y avait déjà eu des bergers qui venaient du Caucase. Du Caucase. Alors, Madame Dali étant russe, alors même les plus grandes rêveries deviennent des réalités. Deviennent des réalités. Chaque fois, je deviens plus riche, plus de chèques. Vous savez que ce que j'adore le plus, c'est l'argent. Donc, est-ce que c'est bien vrai, ça, Salvador Dali? Que ce que vous adorez le plus, c'est l'argent? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous voulez nous faire croire? Premièrement, Madame Dali. Et après, tout de suite, l'or. Parce que je suis mystique. Oui, mais l'art et l'or, ça sonne un peu pareil, non? Non, parce que ce qui me fait gagner de l'argent, ce n'est pas l'art. Qu'est-ce que c'est? C'est ma méthode paranoïaque critique. Oui. Que c'est une méthode qui a au moins 35 ans que je l'ai inventée. Oui, mais est-ce qu'elle évolue, cette méthode, ou est-ce que vous continuez à l'appliquer systématiquement? Non. Chaque fois, je la perfectionne. Et qu'avez-vous apporté comme perfectionnement à cette méthode cette année, en 69? C'est-à-dire, j'ai inventé l'anus culonné. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a cavernicole qui habite dans les régions de Béziers, Perpignan, que c'est la unique sublime au monde. Et là, il y a un entomologue très important de Toulouse qui a trouvé un de ces carnivicoles qui ont dans l'anus une couronne. Et il portera mon nom, ça s'appellera Dali Anus. Et ça me ravit parce que justement, vous savez que je suis très monarchiste et que maintenant, on va instaurer, enfin c'est déjà un fait, la monarchie avec notre prince Juan Carlos de Bourbon et Bourbon. Alors ça me comble aussi parce que j'avais prédit la monarchie en Espagne depuis plus de 30 ans et tout le monde disait que non et maintenant c'est un fait. Vous trouvez que l'Espagne est faite pour la monarchie ? Pour les deux choses, pour l'anarchie et pour la monarchie. Ah bon ? C'est-à-dire la monarchie en haut, le maximum d'ordre, la coupole, et le roi qui garantit le maximum d'individualité pour chaque Espagnol. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu votre position à vous, Salvador Dali, à titre personnel, au fond, en face de la vie, en face de l'art ? Ah oui, tout est personnel chez moi. Oui, mais vous considérez à la fois comme un roi et comme un anarchiste. Non, pas comme un roi, je suis comme un monarchiste et comme un anarchiste. Comme un monarque, disons. Autre question, Salvador Dali. Est-ce que vous vous êtes posé des questions cette année auxquelles vous n'ayez pas pu répondre ? Aucune. Mais j'en ai posé beaucoup, mais je suis comme certaines particules élémentaires qu'on vient de découvrir, qu'avant de partir, ils sont déjà arrivés. Salvador Dali vient de m'échapper. Je pense qu'il faut que nous considérions que notre interview est close. On l'a réclamé et en effet, je le vois qui s'installe dans un fauteuil Louis XV en bois doré, placé devant un gigantesque disque en papier doré sur lequel les projecteurs se sont tous braqués en un instant. Salvador Dali s'est assis dans le fauteuil. Il est revêtu d'une veste violette, brillante, étincelante. Il appuie son poignet sur sa célèbre canne dorée. Sa cravate est également dorée, la moustache est plus agressive que jamais, et il a posé son pied sur un coussin. C'était donc l'année en question, une émission de Roger Vrigny, diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 décembre 1969. Émission avec la participation d'Evelyne Schlumberger, autour de Jean-Louis Bory, Robert Sabatier, Maurice Reims, Louis Guillou, René de Obaldia, Bernard Pivot, Albert Cohen, Raymond DeVos, Jean-Claude Renard et Marcel Joindot.